et grands feuilletons de France Culture. Le Comte de Monte-Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini, dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, troisième épisode, l'interrogatoire. Après avoir relâché à l'île d'Elbe, le pharaon, trois mâts de la compagnie Morel et Fils, a regagné son port d'attache, Marseille. Le capitaine Leclerc, son commandant, est mort en mer, après avoir chargé son second, le jeune Edmond Dantès, d'une mission secrète. Remettre un paquet au grand maréchal Bertrand à Portoferraio. Dantès, à qui tout semble réussir, s'est fait deux ennemis. Danglars, le comptable de la compagnie, qui enrage d'apprendre que le jeune homme sera nommé capitaine du pharaon, et Fernand, le catalan, qui est amoureux sans espoir de la belle Mercedes, fiancée de Dantès. Sous le regard incertain d'un homme ivre, Cadrousse, tous deux ourdissent un complot destiné à ruiner son avenir. Effectivement, le jour même de ses fiançailles, Edmond Dantès est arrêté. On l'accuse d'être un agent bonapartiste. Coïncidence pour le moins étrange, ce jour-là, c'est-à-dire le 25 février 1815, à la même heure, dans une demeure aristocratique de la rue du Grand Cours, on célèbre également les fiançailles de M. de Villefort, substitut du procureur du roi, et de Mademoiselle Renée de Saint-Méran, fille d'un marquis, amie de Louis XVIII. Et croyez-vous, il existe encore quelques fous pour prétendre aujourd'hui que Napoléon, petit roi de l'île d'Elbe, serait bien capable de reprendre les rênes de la France et de nous chasser. Après Moscou, après Leipzig, Billevesée, mon cher. Après son divorce avec Joséphine, la Gourgandine, certes non. Seule l'armée, Dieu et notre roi feront le salut de la France et le bonheur du peuple. Mes amis, mes chers convives, portons un toast à la santé de Sa Majesté Louis XVIII. Au roi ! Ah, s'il nous voyait, il serait bien obligé d'en convenir, tous ces révolutionnaires qui nous ont chassés, que notre roi à nous était bien véritablement Louis le bien-aimé, tandis que leur usurpateur à eux n'a jamais été que Napoléon le maudit. N'est-ce pas, monsieur de Villefort ? Oh, pardonnez-moi, madame la marquise, je n'étais pas à la conversation. Allons, très cher, laissez donc ces enfants. Il est bien naturel qu'à la veille de leur mariage, ils aient à parler d'autre chose que de politique. Je vous demande pardon, ma mère. Je vous rends, monsieur de Villefort, que j'avais accaparé pour un instant. Je me tiens prêt à vous répondre, madame. Je disais, monsieur de Villefort, que les bonapartistes n'avaient ni notre conviction, ni notre enthousiasme, ni notre dévouement. Oh, madame, ils ont du moins quelque chose qui remplace tout cela. C'est le fanatisme. Napoléon est le Mahomet de l'Occident. C'est pour tous ces hommes vulgaires, mais aux ambitions suprêmes, non seulement un législateur et un maître, mais encore un type. Le type de l'égalité. Napoléon, le type de l'égalité ? Et que ferez-vous donc de M. de Robespierre ? Il me semble que vous lui volez sa place pour la donner aux Corses. C'est cependant bien assez d'une usurpation, ne trouvez-vous pas ? Non, madame, je laisse chacun sur son piédestal. Robespierre, place Louis XV, sur son échafaud. Napoléon, place Vendôme, sur sa colonne. Seulement l'un a fait de l'égalité qui abaisse, et l'autre de l'égalité qui élève. L'un a ramené les rois au niveau de la guillotine, l'autre a élevé le peuple au niveau du trône. Et cela explique comment tout tombé qu'il est pour ne se relever jamais, je l'espère. Napoléon conserve ses séides. Que voulez-vous, Cromwell, qui n'était que la moitié de tout ce qu'a été Napoléon, avait bien les siens. Savez-vous que ce que vous dites là, Villefort, sent la révolution d'une lieue ? Oh, mais je vous pardonne. On ne peut pas être fils de Girondin et ne pas conserver un goût de terroir. Mon père était Girondin, madame, c'est vrai. Mais il n'a pas voté l'amour du roi. Mon père a été proscrit par cette même terreur qui vous proscrivait. Et peu s'en est fallu qu'il ne portât sa tête sur le même échafaud qu'avait vu tomber celle de votre père. Oui, seulement c'était pour des principes diamétralement opposés. La preuve, c'est que toute ma famille est restée attachée aux princes exilés, tandis que votre père a eu hâte de se rallier au nouveau gouvernement. Et qu'après que votre père, le citoyen Noirtier, ait été Girondin, le comte Noirtier est devenu sénateur. Ma mère, vous savez qu'il était convenu qu'on ne parlerait plus de ces mauvais souvenirs. Madame, je me joindrai à ma fiancée pour vous demander bien humblement l'oubli du passé. Je me suis séparé non seulement de l'opinion, mais encore du nom de mon père. Mon père a été, ou est même peut-être encore, bonapartiste, et s'appelle Noirtier. Moi, je suis royaliste et m'appelle de Villefort. Bravo, Villefort. Bien répondu. Moi aussi, j'ai toujours prêché à la marquise l'oubli du passé. C'est bon, oublions. Seulement, Villefort, s'il vous tombe quelques conspirateurs entre les mains, songez qu'on a d'autant plus les yeux sur vous que l'on sait que vous êtes d'une famille qui peut-être est en rapport avec ces conspirateurs. Oh oui. Tâchez donc d'avoir un beau procès politique, tandis que nous serons à Marseille. Je n'ai jamais vu une cour d'assises. Et l'on dit que c'est fort curieux. Fort curieux, en effet, mademoiselle. Car au lieu d'une tragédie factice, c'est un drame véritable. Au lieu de douleurs jouées, ce sont des douleurs réelles. Et quand une tête se baisse sous le poids des preuves et de l'éloquence du procureur du roi, cette tête tombe. Mon Dieu, c'est affreux. Oh, monsieur, promettez-moi d'avoir de l'indulgence pour ceux que je vous recommanderai. Soyez tranquille, René, nous ferons ensemble mes réquisitoires. Ma chère, mêlez-vous donc de vos colibris, de vos épagnoles et de vos chiffons, et laissez votre futur époux faire son état. Aujourd'hui, les armes se reposent, et la robe est en crédit. Je crois, Gérard, que j'aimerais mieux que vous fussiez médecin. L'ange exterminateur, tout ange qu'il est, m'a toujours fort épouvanté. Monsieur de Villefort. Oui, qu'est-ce que c'est ? Si monsieur veut bien me suivre un instant, s'il vous plaît. Que se passe-t-il, mon ami ? Vous souhaitiez avoir un médecin pour Marie, ma chère. Eh bien, j'ai avec un médecin cette ressemblance que jamais l'heure présente n'est à moi. Même au repas de mes fiançailles. Que vous veut-on ? Rien qu'un instant et je serai en mesure de vous le dire. Excusez-moi. Cher René, croyez-moi, vous allez épouser un homme de grande qualité. Un noble cœur. Je n'en ai jamais douté. Savez-vous ce que le roi disait à mon père, il y a peu de temps ? Villefort, remarquez que notre roi n'a pas prononcé le nom de Noirtier. Villefort, disait-il, c'est un jeune homme déjà mûr et qui est de mon monde. Et j'ai vu avec plaisir que le marquis et la marquise de Saint-Méran le prissent pour gendre. Et je leur eusse conseillé cette alliance, s'ils n'étaient venus les premiers me demander la permission de la contracter. Voilà qui est fait pour vous rassurer, ma mère. Alors, monsieur, pour quelle cause vous a-t-on dérangé ? Un cas grave. Un homme risque l'échafaud. En vérité ? Et de quoi s'agit-il ? Quelle coïncidence ? Ah oui, dites-nous. On vient de découvrir un petit complot bonapartiste. Est-ce possible ? Voici la lettre de dénonciation. Monsieur le procureur du roi est prévenu par un ami du trône et de la religion que le nommé Edmond Dantès, second du navire, le pharaon, arrivé ce matin de Smyrne, après avoir touché à Naples et à Porto Ferraio, a été chargé par Murat d'une lettre pour l'usurpateur. Et par l'usurpateur d'une lettre pour le comité bonapartiste de Paris. On aura la preuve de son crime en l'arrêtant, car on trouvera cette lettre ou sur lui, ou chez son père, ou dans sa cabine, à bord du pharaon. Mais cette lettre n'est qu'une lettre anonyme. Elle est d'ailleurs adressée au procureur du roi et non à vous. Le procureur est absent. Son secrétaire avait reçu mission d'ouvrir toutes les lettres, celle-ci me concerne donc. L'homme a été arrêté. Et si l'on trouve la lettre en question, Mon malade, t'es bien malade, ma chère. Où est ce malheureux? Chez moi, au palais. Dans ce cas, allez, Villefort. Ne manquez pas à vos devoirs quand le service du roi vous attend. Monsieur, je vous en prie, soyez indulgent. C'est le jour de nos fiançailles. Pour vous épargner une inquiétude, je ferai tout ce que je pourrai, cher René. Mais si les indices sont sûrs, si l'accusation est fondée, il faudra bien couper cette mauvaise herbe bonapartiste. N'écoutez pas cette petite fille, elle s'y fera. Voici, commissaire, vous avez bien fait d'arrêter cet homme. Vous allez me donner sur lui et sur la conspiration tous les détails que vous avez recueillis. Entrez. Excusez-moi, monsieur le substitut, mais il y a quelqu'un qui veut vous parler. Monsieur Morel. Ah, monsieur de Villefort, je suis heureux de vous rencontrer. Imaginez-vous qu'on vient de commettre une méprise en arrêtant le second de mon bâtiment, Edmond Dantès. Je le sais, je viens pour l'interroger. Je le connais, moi, monsieur. C'est l'homme le plus doux, le plus probe. Et je vous le recommande bien sincèrement, et de tout cœur. On peut être doux dans la vie privée, probe dans ses relations commerciales, et n'en être pas moins grand coupable, politiquement parlant. Je vous en supplie, monsieur de Villefort. Soyez juste, comme vous devez l'être. Bon, comme vous l'êtes toujours. Et rendez-nous bien vite ce pauvre Dantès. Monsieur, vous pouvez être parfaitement tranquille. Et vous n'aurez pas fait un appel inutile à ma justice si le prévenu est innocent. Mais si au contraire il est coupable, je ferai mon devoir. Qu'on amène le prisonnier. Oui, monsieur le substitut. Qui êtes-vous? Et comment vous nommez-vous? Je m'appelle Edmond Dantès, monsieur. Je suis second à bord du Pharaon, un navire qui appartient à messieurs Morel et fils. Votre âge? 20 ans. Que faisiez-vous au moment où vous avez été arrêté? J'assistais au repas de mes propres fiançailles, monsieur. Aux fiançailles? Oui. Oui, je suis sur le point d'épouser une jeune fille que j'aime depuis 3 ans. Étrange coïncidence. Elle fera grand effet à mon retour dans le salon des Saint-Méran. Continuez, monsieur. Que voulez-vous que je continue? D'éclairer la justice. Ça, je ne sais pas grand-chose. Avez-vous servi sous l'usurpateur? J'allais être incorporé dans la marine militaire lorsqu'il est tombé. On dit vos opinions politiques exagérées. On se trompe, monsieur. C'est presque honteux à dire, mais je n'ai jamais eu ce qu'on appelle une opinion politique. Je ne sais rien. Je ne suis destiné à jouer aucun rôle. Et si l'on m'accorde la place que j'ambitionne, c'est à monsieur Morel que je le devrai. J'aime mon père, je respecte monsieur Morel et j'adore Mercedes, ma fiancée. Voilà, monsieur, tout ce que je puis dire à la justice. Vous voyez que c'est peu intéressant pour elle. Oh, j'aime mieux cela. Mais vous connaissez-vous quelques ennemis? Des ennemis? J'ai le bonheur d'être trop peu de choses pour que ma position m'en ait fait. Bah, à défaut d'ennemis, peut-être avez-vous des jaloux? N'oubliez pas que vous allez être nommé capitaine à 20 ans. Voilà qui n'arrive pas à n'importe qui. Oui, vous avez raison. Vous devez mieux connaître les hommes que moi. Mais si ces envieux devaient être parmi mes amis, je préfère ne pas les connaître. Pour ne pas être forcé de les haïr. Vous avez tort, monsieur. Il faut toujours autant que possible voir clair autour de soi. En vérité, vous me paraissez un si digne jeune homme que je vais m'écarter pour vous des règles ordinaires de la justice et vous aider à faire jaillir la lumière en vous communiquant la dénonciation qui vous amène devant moi. Une dénonciation? Voici le papier accusateur. Reconnaissez-vous l'écriture? Oh non, monsieur. Elle est déguisée. Et cependant, elle est d'une forme assez franche. Je suis bien heureux d'avoir affaire à un homme tel que vous, car, en effet, mon envieux est un véritable ennemi. Répondez-moi franchement. Qu'y a-t-il de vrai dans cette accusation anonyme? Tout et rien. Voici la vérité pure sur mon honneur de marin, sur mon amour pour Mercedes, sur la vie de mon père. Eh bien, parlez. Et en quittant Naples, le capitaine Leclerc tomba malade d'une fièvre cérébrale. Comme nous n'avions pas de médecin à bord et qu'il ne voulut relâcher sur aucun point de la côte, sa maladie empira rapidement. Vers la fin du troisième jour, sentant qu'il allait mourir, il m'appela près de lui. Mon cher Dantès, jurez-moi sur votre honneur de faire ce que je vais vous dire. Il y va des plus hauts intérêts. Je vous jure, capitaine. Après ma mort, le commandement vous reviendra en qualité de second. Vous mettrez le cap sur l'île d'Elbe. Et vous débarquerez à Porto Ferraio. Là, vous demanderez le grand maréchal, Bertrand. Vous lui remettrez cette lettre. Peut-être vous donnera-t-on une autre lettre. Et vous chargera-t-on de quelques missions. Cette mission qui m'était réservée, Dantès. Vous l'accomplirez à ma place. Et tout l'honneur en sera pour vous. Je le ferai, capitaine. Mais peut-être n'arrive-t-on pas aussi facilement que vous le pensez auprès du grand maréchal. Prenez cette bague. Vous la lui ferez parvenir. Et toutes les difficultés seront levées. Et que fites-vous alors? Ce que tout autre fait à ma place, monsieur. Les prières d'un mourant sont sacrées, et chez les marins, les prières d'un supérieur sont des ordres. Donc? J'arrivai le lendemain à l'île d'Elbe, je descendis sur la terre, je remis la lettre au grand maréchal. Il me chargea d'emporter une autre, en personne, à Paris. Je le lui promis. Voilà. Ce sera tout lorsque je vous aurai dit que dans une heure, j'allais me marier, et que je comptais partir demain pour Paris. Bah, tout cela me paraît être la vérité. Et si vous êtes coupable, c'est d'imprudence. Encore cette imprudence était-elle légitimée par les ordres de votre capitaine? Rendez-moi donc cette lettre qu'on vous a remise à l'île d'Elbe. Et donnez-moi votre parole de vous représenter à la première réquisition. Et aller rejoindre vos amis. Ainsi je suis libre, monsieur? Oui, mais seulement donnez-moi cette lettre. Mais elle doit être devant vous, monsieur, car on me l'a prise avec mes autres papiers. Et j'en reconnais quelques-uns dans cette liasse. Attendez, nous allons voir... À qui est-elle adressée? À monsieur Noirtier, rue du Coq-Héron, à Paris. Comment dites-vous? Monsieur Noirtier, rue du Coq-Héron, à Paris. Noirtier. Oui, monsieur. Le connaissez-vous? Non. Un fidèle serviteur du roi ne connaît pas les conspirateurs. Quoi, il s'agirait donc d'une conspiration? En tout cas, monsieur, je vous l'ai dit, j'ignorais complètement le contenu de la dépêche dont j'étais porteur. Oui, mais vous savez le nom de celui à qui elle était adressée. Mais pour la lui remettre à lui-même, il le fallait bien. Vous n'avez montré cette lettre à personne? Oh, personne, monsieur, sur l'honneur. Et personne ne sait que vous étiez porteur d'une lettre venant de l'île d'Elbe et adressée à monsieur Noirtier? Mais personne, excepté celui qui me l'a remise. Encore trop. Oh mon Dieu. Mais qu'y est-il donc, monsieur? Vous pâlissez, votre visage ruisselle de sueur. Vous ne savez pas ce que contient cette lettre, n'est-ce pas? Mais non, sur l'honneur, je le répète, je l'ignore. Mais qu'avez-vous, monsieur? Vous allez vous trouver mal. Voulez-vous que je sonne? Voulez-vous que j'appelle? Non, ne bougez pas! Ne dites pas un mot! C'est à moi de donner des ordres ici! Mais c'était pour vous venir en aide. Je n'ai besoin de rien! Un éblouissement. Un malaise passager, voilà tout. Mais revenons à nous. Oui, monsieur. S'il sait ce que contient cette lettre, et qu'il apprenne jamais que Noirtier est le père de Villefort, je suis perdu. Perdu. Au nom du ciel, monsieur, si vous doutez de moi, si vous me soupçonnez, interrogez-moi, je suis prêt à vous répondre. Les charges les plus graves résultent pour vous de votre interrogatoire. Je ne suis donc pas le maître, comme je l'avais espéré d'abord, de vous rendre à l'instant même votre liberté. Avant de prendre une pareille mesure, je dois consulter le juge d'instruction. En attendant, vous avez vu de quelle façon j'ai agi envers vous. Ah oui, monsieur. Et je vous en remercie, car vous avez été pour moi bien plutôt un ami qu'un juge. Eh bien, monsieur, je vais vous retenir quelque temps encore prisonnier. Le moins longtemps que je pourrai. La principale charge qui existe contre vous, cette lettre. Et vous voyez, je la brûle. Oh, monsieur, vous êtes plus que la justice. Vous êtes la bonté. Écoutez-moi maintenant. Après un pareil acte, vous comprenez que vous pouvez avoir confiance en moi. Ordonnez, je suivrai vos ordres. Non, ce ne sont pas des ordres que je veux vous donner, mais des conseils. Dites et je m'y conformerai comme à des ordres. Je vais vous garder jusqu'au soir ici, au palais de justice. Peut-être qu'un autre que moi viendra vous interroger. Dites tout ce que vous m'avez dit. Mais pas un mot de cette lettre. Je vous le promets, monsieur. Vous comprenez maintenant. Regardez cette cheminée. La lettre est anéantie, réduite en cendres. Vous et moi savons seuls qu'elle a existé. On ne vous la représentera pas. Niez-la donc si l'on vous en parle. Niez-la hardiment et vous êtes sauvé. Je nierai, monsieur. Bien. C'était la seule lettre que vous eussiez ? La seule, oui. Faites-en serment. Je le jure. Commissaire ? Monsieur le substitut ? Mettez cet homme en prison. Puis vous ferez atteler une voiture et préparer une barque. Et à la nuit tombante, vous emmènerez le prisonnier et le conduirez jusqu'à... Où donc me menez-vous ? Vous le saurez tout à l'heure. Mais encore ? Il nous est interdit de vous donner aucune explication. Voici l'île Ratonneau et son phare. Et voici l'Anse des Catalans. Oh, Mercedes. Mon amour. Camarade ? Quoi encore ? Au nom de votre conscience et de par votre qualité de soldat, je vous adjure d'avoir pitié de moi et de me répondre. Je suis le capitaine Dantès, bon et loyal français, quoique accusé de je ne sais quelle trahison. Où me menez-vous ? Et dites-le ! Et foi de marin, je me rangerai à mon devoir et me résignerai à mon sort. Vous êtes marseillais et marin, et vous me demandez où nous allons ? Ah oui, car sur mon honneur, je l'ignore. Ne vous en doutez-vous pas ? Aucunement. Ce n'est pas possible. Je vous le jure, sur ce que j'ai de plus sacré au monde. Répondez-moi d'un de grâce. Et la consigne ? Qu'est-ce que vous en faites, vous, un marin ? Mais la consigne ne vous défend pas de m'apprendre ce que je saurai dans 10 minutes, ou dans une demi-heure, ou dans une heure, peut-être. Ah, dame, c'est vrai. Alors ? Je vous le demande comme si vous étiez mon ami. Regardez, je ne veux ni me révolter ni fuir. D'ailleurs, je ne le puis. Où allons-nous? À moins que vous n'ayez un bandeau sur les yeux ou que vous ne soyez jamais sorti du port de Marseille, vous devez cependant deviner où vous allez. Non. Regardez autour de vous. Oh mon Dieu. Le château d'If. Mais qu'allons-nous faire là? C'est vous, bien gardé par des gendarmes qui me le demandez. Mais ce n'est pas vrai. On ne me mène pas là pour être emprisonné. Si, monsieur. Ce sont les ordres. Mais je n'ai commis aucun crime. À Londres. Et le château d'If est une prison d'État destinée seulement aux grands coupables politiques. Oui, c'est bien ça. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a des juges d'instruction, des magistrats quelconques au château d'If? Il n'y a qu'un gouverneur, des geôliers, une garnison et de bons murs. Mais vous osez prétendre qu'on me conduit au château d'If pour m'y emprisonner? C'est probable. Il est inutile en tout cas de me serrer si fort. Sans autre information, sans autre formalité. Les formalités sont remplies, l'information est faite. Ainsi, malgré la promesse de Monsieur de Villefort... Ah, assez de questions! Je ne sais si Monsieur de Villefort vous a fait une promesse, mais ce que je sais, moi, c'est que j'ai reçu mission de vous conduire au château d'If, et que présentement, je vous y conduis. Sous bonne garde. C'était Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupréier et Serge Martel. Aujourd'hui, troisième épisode, l'interrogatoire. Avec Edmond Dantès, Pierre Santini. Monsieur Morel, Fred Personne. Gérard de Villefort, André Oumanski. Le Marquis de Saint-Méran, André Dumas. La Marquise de Saint-Méran, Anne Fabien. René de Saint-Méran, Françoise Béliard. Hermine de Salvieux, Claire Morier. Le capitaine Leclerc, Gérard Thirion. Un général, Guy Marly. Le gendarme, Jean-Claude Bouillot. Un valet, Jean Péméja. Et les voix de Christian Chevreuse et Betty Mars. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 15 octobre 1980. À suivre, demain, à la même heure. Et d'ici là, à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.